c'est un phénomène qui est incompréhensible a priori. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui ne se réalise que lorsqu'on le parle. Autrement dit, le phénomène de la conscientisation humaine, c'est un phénomène que l'on réalise seulement lorsqu'on le parle. Il y a une défectuosité dans... Il y a une défectuosité, un défaut dans la construction mentale de l'homme. Entendez-vous en haut? Bon. Okay. C'est parce que l'autre, il taponne avec la patente, c'est là. Et ce défaut dans la construction mentale de l'homme n'est pas visible à l'homme tant que l'homme ne le parle pas. Autrement dit, un homme, c'est un être qui, un peu comme un cristal, contient des failles, mais les failles ne deviennent pas évidentes au niveau de son intelligence que lorsqu'il parle de lui-même ou de la conscience ou des failles ou qu'il explique le mécanisme de la conscience chez l'homme. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de même en commencement, là. Parce que c'est difficile d'approcher ce sujet-là. Vous reconnaissez que dans l'expérience humaine, on a tendance à penser pour comprendre quelque chose. OK? Vous reconnaissez que dans l'expérience humaine inconsciente, on a tendance à penser pour comprendre quelque chose. Alors, automatiquement, on a tendance à faire de la philosophie sur la nature de notre conscience ou de la vie ou de la valeur de la vie. Et en faisant de la philosophie sur la nature de la vie, au lieu d'expliquer la nature de la vie, on interprète pour soi-même ce qu'on pense de soi-même. Ou on interprète pour soi-même la façon dont on voit les choses. Mais on n'explique rien de la vie. Et ça, ça fait partie de la défectuosité du mental humain, pas du cerveau humain, mais du mental humain. Et la défectuosité du mental humain provient du fait que le mental humain, pour être parfaitement connaissant de la relation entre la vie et l'expression de la conscience à travers l'homme, doit être en communication avec une énergie qui a un taux de vibration supérieur au taux vibratoire du mental humain, c'est ce qu'on appelle l'énergie de l'intelligence. Tant que le mental humain n'est pas connecté, syntonisé à cette haute vibration, il vit, le mental humain, d'une condition vibratoire énergétique qui est imparfaite et qui est à la source, à la base du fait que le mental humain est un mental qui est déficient. Il est déficient parce que il a tendance naturelle à s'opposer à la compréhension parfaite de ce qui est pour épouser au lieu la pensée ou l'émotion ou la philosophie de ce qui pense, lui, sur tout ce qui se rapporte à la vie. De sorte que le mental humain, le mental inférieur de l'homme, est jamais capable de parfaitement exploiter l'esprit qui est dans l'homme. Il ne peut qu'exploiter les mots qui sont mis dans son mental par d'autres esprits sur d'autres plans. Et c'est ça que j'appelle l'élément défectif, la défectuosité du mental humain. Le mental humain n'est pas capable d'expliquer le réel, à quelque niveau que ce soit, parce que l'intelligence qu'il manifeste, lui, est le produit d'une conséquence qui lie sa mémoire à une autre mémoire qui est dans l'invisible, qui fait partie de l'astral, mais qui n'a aucune capacité d'éclairer, c'est-à-dire d'élever le mental au niveau d'une autre énergie qu'on appelle l'intelligence pure, mais auquel je donnerai un autre nom plus tard, qui est la seule force vibratoire qui puisse désengager le mental de l'homme et en même temps le nourrir pour que l'homme vive du mental, vive de l'énergie qui le nourrit, au lieu de vivre des pensées qui sont mises dans son cerveau par des intelligences qui sont dans d'autres plans pour leur propre bénéfice et au détriment de l'homme. Cette défectuosité du mental humain, elle est très grave. Elle est très grave pour deux raisons. Elle est très grave parce qu'elle empêche l'homme d'être capable, à un point quelconque dans sa vie, de complètement réorganiser l'énergie de ses principes, mental, émotionnel, vital et physique. Parce qu'il n'est pas capable de vivre de l'énergie d'une vibration supérieure qui n'est pas contaminée par des plans avec lesquels il a une relation karmique ou une relation de mémoire. De sorte que l'homme n'est pas capable de, par son esprit, nourrir ses principes et les nourrir et les nourrir et les nourrir et les nourrir indéfiniment jusqu'au jour où il puisse, de par cette nourriture, autrement dit de par cette énergie, substituer la condition matérielle de son être pour avancer dans une condition éthérique de son être. Alors, il est voué automatiquement à la mort. La défectuosité du mental humain provient du fait que l'on connaît d'abord que l'homme pense. Deuxièmement, elle provient du fait que l'homme, même quand il réalise qu'il pense, n'est pas capable de voir la différence entre le fait qu'il sache qu'il pense et entre la réalité qu'il ne doit pas penser et entre l'autre réalité qu'il découvrira demain, qui est la réalité du vide créatif en lui, qui est la condition de syntonisation entre l'énergie de son mental et l'énergie cosmique. Autrement dit, l'homme doit passer un certain nombre d'étapes pour en arriver à pouvoir, dans sa vie matérielle, se constituer non pas en un être intelligent, mais en un être qui est capable de canaliser de l'intelligence pour le bénéfice, non pas de sa pensée philosophique, mais pour le bénéfice de sa vie matérielle et sa vie future. L'homme doit en arriver à vivre seulement de deux façons. Vivre en fonction de sa vie matérielle, autrement dit, vivre de l'énergie qui l'alimente et qui lui permet de vivre sa vie matérielle d'une façon maximale, et aussi de vivre en fonction de son avenir, autrement dit, de cette partie de sa vie matérielle demain qui sera éventuellement élevée à un autre plan de conscience, ceci faisant partie de son savoir aujourd'hui, qui a la fonction simplement d'alimenter ses conversations pendant qu'il est inactif matériellement. Autrement dit, l'homme ne peut pas toujours être actif matériellement, puis travailler, puis s'organiser pour se faire une vie matérielle plaisante. Il doit aussi, à un certain moment, relaxer du matériel et entrer dans la partie matérielle éthérique de l'avenir, qui fait partie aujourd'hui de son langage plus élevé, mais qui aussi est une nourriture dont la vibration est la même que celle qui lui permet de s'activer sur le plan matériel et de maximaliser sa vie. Mais l'homme ne fonctionne pas comme ça. L'homme, il s'occupe intellectuellement de sa vie matérielle et il s'occupe intellectuellement, possiblement, de sa vie future. Et quand il s'occupe intellectuellement de ses deux vies, de ses deux aspects de vie, il incorpore en lui-même des pensées qui ne font pas partie de son intelligence, qui font partie d'autres intelligences qui influencent le devenir psychologique de l'humanité. Et alors que ces intelligences-là ne devraient pas influencer le devenir psychologique de l'humanité, alors qu'aucune intelligence ne doit influencer le devenir psychologique de l'homme. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour un homme de pouvoir vivre dans le matériel, de pouvoir parler du matériel futur qui peut, dans ce temps-là, être très, très avancé dans l'occulte, autrement dit, dans l'impossible de demain. Ça peut être très difficile pour l'homme de vivre ceci s'il ne réalise pas une chose, que toutes les pensées qui ne lui servent pas sont des pensées construites par d'autres intelligences, soit pour retarder son évolution, soit pour créer un stress sur le plan émotionnel, soit pour créer un stress sur le plan mental. D'une façon ou d'une autre, ces pensées-là serviront toujours à l'évolution de l'homme parce que l'homme, un jour, sera obligé de subir la présence, la persévérance, l'agacement, le fatigant de ces pensées-là pour en arriver un jour à être suffisamment fort dans le mental, c'est-à-dire suffisamment syntonisé à l'énergie pure qui est totalement indifférenciée, qui se différencie seulement quand que lui fonctionne, pour que il puisse subir l'affrontement constant de l'astral sur lui, mais sans jamais être bouleversé par l'astral sur lui. Quelles que soient les pensées, quelle que soit la nature des pensées, quelle que soit la nature des pensées, l'homme doit en arriver un jour à ne jamais être capable de se sentir épuisé mentalement par les pensées qui viennent d'autres plans. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui détruira le défaut du mental humain. C'est ça qui détruira la partie mentale de l'homme qui est défective, c'est-à-dire la partie mentale de l'homme qui est fondée sur l'actualisation dans le mental de formes d'énergie provenant d'autres plans d'intelligence qui n'ont pas de cerveau physique. C'est très important que l'homme comprenne dans les années qui viennent qu'il doit être suffisamment solide dans le mental, suffisamment fort dans le mental, suffisamment neutre dans le mental, suffisamment mental pour ne jamais être affecté par des pensées qui viennent dans son mental, qui peuvent bouleverser ses émotions, parce que ces pensées qui bouleversent ses émotions ou qui affectent son mental sont des constructions temporaires, sont des formes temporaires qui peuvent être créées pour l'évolution de l'homme, qui peuvent servir pour l'évolution de l'homme, qui peuvent servir à retarder l'évolution de l'homme, qui peuvent servir à influencer l'évolution de l'homme, selon les différents cas de chaque âme. Mais c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que l'homme, lui, en arrive un jour à être suffisamment neutre dans le mental, suffisamment centrique dans le mental, suffisamment décousu, détaché de toutes les formes qui entrent en lui pour être capable de supporter ces formes-là. Parce que le support de ces formes-là, c'est ce qui permettra la construction, le perfectionnement de son mental supérieur. Autrement dit, les gens se plaignent ou se plaindront qu'ils n'ont pas de paix dans la tête. Ils n'ont pas de paix dans la tête. Sont fatigués, sont achalés. Il y a des intelligences qui s'acharnent contre eux autres, des niaiseries, il y a tout ça de niaiseries. Le point que je fais, c'est que c'est sans importance les niaiseries. Et plus il y a de niaiseries, plus l'homme sera capable d'entrer dans son intelligence. L'homme ne peut pas entrer dans son intelligence, dans l'intelligence que je veux dire, celle que je connais. L'homme ne peut pas rentrer dans cette énergie-là s'il ne passe pas une période de temps dans sa vie où il est confronté par de la niaiserie, de tout ça. Parce que ce qu'on appelle nous autres sur le plan humain de la niaiserie de toutes sortes, c'est simplement une attraction entre le mental inférieur de l'homme et l'énergie de l'âme de l'homme. Il y a une attraction très puissante entre le mental inférieur de l'homme et l'énergie de la mémoire de l'âme, et cette attraction est justement la force qui a causé sur la Terre sur le plan vital, sur le plan astral, sur le plan mental, l'évolution de l'homme pendant la période de l'involution. Autrement dit, l'involution ou la période où les corps subtils de l'homme se sont développés pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui l'homme moderne, a demandé qu'il y ait des attractions extrêmement puissantes entre les principes de l'homme et les forces qui sont sur les autres plans. Et c'est ce qui a créé l'ignorance, mais c'est aussi ce qui a créé et qui a permis le développement des principes de l'homme. Maintenant que l'homme arrive dans une nouvelle phase d'évolution, où ces principes-là sont totalement développés, ou presque totalement développés, et que l'homme est prêt à développer un autre principe qui n'est pas régi par ces forces-là, mais un principe qui est régi par des forces qui sont autres, mais dont la pénétration dans le monde de l'homme, dans le monde supérieur de l'homme, nécessite que l'homme, avec les principes qui ont servi à son évolution, soit suffisamment évolué pour être capable de supporter le bombardement qui vient des plans invisibles et ne jamais s'occuper de ce qui entre dans son esprit. Et là, il y a un point. Il y a une différence, il y a une subtilité, il y a une division très nette entre l'homme qui est dans son esprit, c'est-à-dire dont le mental est en harmonie vibratoire avec cette énergie-là, ou dont l'esprit est harmonisé à l'énergie cosmique. Il y a une différence entre cet homme-là et l'homme moderne. Il y a une différence catégorique, totale, parfaite. Cette différence, elle est dans l'homme qui la vit, cette différence. Et pour que l'homme vive cette différence, il faut qu'il soit capable. Il faut qu'il soit capable de réaliser quand il est bombardé sur le plan mental et que ce bombardement affecte son émotionnel. Quand il est bombardé, il faut que cet homme soit capable, à ce moment-là, pendant ces périodes-là, de s'éveiller à sa propre conscience. Je veux dire que l'homme doit être capable de réaliser, non pas dans son mental, que tout ceci c'est de la niaiserie, mais dans une autre partie de lui-même, que tout ceci c'est de la niaiserie. Et cette autre partie de lui-même, c'est son esprit. Autrement dit, il y a une différence entre le mental de l'homme et l'esprit de l'homme. Le mental de l'homme, c'est un principe, c'est un champ de force, et l'esprit de l'homme, c'est une condition d'existence de ce champ de force. Pour que ce champ de force existe, il faut qu'il y ait de l'esprit dans l'homme. S'il n'y a pas d'esprit dans l'homme, ce champ de force n'existe pas. S'il y a de l'esprit dans l'homme, ce champ de force existe. Mais l'esprit qui existe dans l'homme existe avant l'existence de ce champ de force. Alors, qu'est-ce qui permet que ce champ de force existe? C'est que le champ de force, il est maintenu. En réalité, en existant, il est maintenu par des êtres qui font partie de la lumière, qui se servent de ce champ de force pour capturer l'esprit de l'homme, pour que l'esprit de l'homme puisse fonctionner dans un plan d'énergie qui permette à l'homme d'être actif, créatif sur le plan matériel. Mais ces êtres-là n'ont pas la capacité de contrôler ce champ de force-là. Alors, ce champ de force-là, il est bombardé par des forces qui sont inférieures à elles, que j'appelle les forces astrales. Ceci nous amène à considérer deux choses. Ceci nous amène à considérer... Je vous donne un exemple. Pour expliquer là, la différence entre l'esprit, la conscience de l'esprit et la conscience mentale de l'homme. Ou la conscience de l'esprit et l'expérience mentale de l'homme. Supposons que vous êtes dans la mer. Écoutez bien mon exemple, elle est subtile, mais elle va vous faire comprendre ce que je dis. Supposons que vous êtes dans l'océan, vous êtes un gros bateau, puis vous tombez à l'eau. OK? Vous tombez à l'eau dans l'océan. Quand vous allez tomber à l'eau dans l'océan, vous n'êtes pas mort encore. Vous n'êtes pas noyé encore. Le problème relevant de la condition du fait que vous avez tombé à l'eau, il est très près de votre esprit. Vous pouvez paniquer, tout ce qui se passe, là. OK? Il y a comme 99,9% de vous, là, comprends-tu, là, qui est lié à votre partie mentale, là, que pour vous autres, c'est final, Charlie. Tu comprends-tu? T'es dans l'océan, fini. T'atteins un requin. Tu comprends-tu? Mais t'es pas mort encore. Puis il y a une autre partie de toi, le 1%, là. Le 1% qui est ton esprit, là. Qui c'est ton esprit? T'es pas mort encore. Ton mental, tu vas mourir bien vite, là. T'es presque fini, ton mental. Au niveau de ton mental. Mais au niveau de ton esprit, t'es pas mort encore. Tu comprends-tu? Bon, ben, la séparation entre les deux, là, c'est ça qu'il faut que vous puissiez, vous autres, vivre dans votre vie de tous les jours quand vous êtes bombardé par ces forces-là. Quand vous êtes bombardé par ces forces-là, là, c'est entre le 99,9%, là, c'est... Mais il y a une autre partie de vous, le 0,9%, qui est votre esprit, qui est... Il sera peut-être pas capable, votre esprit, de vous dire qu'il n'y a rien là. Parce que de l'esprit, ça pense pas. Alors, tout ce qui se passe dans votre mental, ça pense. C'est pas votre esprit, ça, qui pense. Ce qui se passe dans votre mental, c'est toute la merde qui vient de l'astral, là, puis qui fait le 99,9% de votre conscience, de votre souffrance temporaire. Mais il y a un petit 0,9% qui fait partie de votre esprit, puis ça, ça pense pas de l'esprit, ça regarde. De l'esprit, ça regarde. Fait que votre esprit, il regarde ce qui se passe, puis il faut que votre esprit soit suffisamment conscient pour regarder ce qui se passe dans votre mental, puis même si ça pense pas de l'esprit, que vous, étant esprit, vous sachiez que ce qui se passe dans votre mental, c'est tout de l'illusion, à tous les niveaux. Mais de l'illusion qui sert à faire pénétrer votre esprit dans votre mental. Parce que votre esprit, il ne peut pas rentrer dans votre mental tant que votre mental n'a pas été contemplé par votre esprit. Autrement dit, il faut que votre esprit soit suffisamment fort pour contempler ce qui se passe dans votre mental, puis réaliser que ce qui se passe dans votre mental, pas au niveau de la pensée, parce que votre esprit, ça ne pense pas. Moi, vous amenez à comprendre quelque chose. Alors, ça ne pense pas de l'esprit. Mais comme ça ne pense pas de l'esprit, vous allez être gelé dans votre mental. Puis tu es gelé dans ton mental. Mais tu sais... Tu sais que ce qui se passe dans ton mental, il n'y a rien là. Fait qu'à ce moment-là, faut que tu changes tes vibrations, là. Tu n'as plein de casse, t'es bombardé pendant 2-3 heures, t'es dans ton lit jusqu'à 3-4 heures du matin. Ben, sors dehors, va t'acheter un smoke meat, ben, on va t'en dehors, puis tombe ton gazon. Tu vas changer la vibration de ton mental, puis à ce moment-là, tu vas tomber sous la vibration de l'esprit, au lieu d'être sous la vibration du mental. Et ça, c'est très important. Parce que l'esprit a le pouvoir de changer le taux vibratoire du mental. Mais pour que l'esprit puisse changer le taux vibratoire du mental, il faut que l'ego, lui, soit capable de suivre la vibration de l'esprit. Fait que si vous êtes dans votre lit à 3 heures du matin, puis vous êtes bombardé à gauche puis à droite des problèmes, des signes, des ça, qui sont toutes des illusions qui viennent de l'astral, qui sont des illusions réelles parce que vous avez des problèmes, ben le point n'est pas là parce que c'est des illusions pareilles, parce que tout se résout. La raison pour laquelle, pour vous, vous avez de la souffrance, parce que vous ne voyez pas dans votre avenir. Si tu voyais demain que votre problème va se résoudre demain, ça n'aurait plus de problème. C'est parce que vous ne voyez pas votre demain, votre avenir, que vous avez des problèmes. Alors, c'est une illusion. Alors, si votre esprit est dans le lit, si vous êtes dans le lit, puis vous avez tout ce bombardement-là, puis vous n'êtes pas capable de dormir, vous devriez être capable de suivre la vibration de votre esprit. Puis la vibration de votre esprit, l'intention de votre esprit, c'est pas logique. Fait que si l'esprit, il veut te faire te lever, puis aller dehors, puis prendre ta tondeuse à gauche. Je vous donne un exemple, il faut pas penser que c'est le même. Il te fait... Comprends-tu? Fait que ton esprit pousse. Tu t'en vas au garage, tu prends ta tondeuse à gazon, puis tu tondes ton gazon à 3 heures du matin, ton esprit va changer la vibration de ton mental. Quand tu vas être couché, tu vas dormir comme une taupe. Mais il y a seulement, parce qu'il y a bien du monde qui me demande, comment est-ce qu'on élimine ça, ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on arrête de penser? Je vous le dis, comment est-ce que ça s'arrête, la pensée dans le mental? Il faut que l'homme puisse soumettre son esprit à la condition de son mental. C'est-à-dire, il faut que l'homme puisse suivre le courant de son esprit et son esprit va l'amener à faire quelque chose parce que l'esprit sait que c'est qu'il faut faire pour changer les vibrations des corps subtils. Alors, l'esprit va vous faire quelque chose, ça va avoir de l'air bien sans dessin à votre belle-mère, mais ça n'a pas d'importance. Mais après ça, les vibrations de vos corps subtils vont changer, tu vas être couché, tu vas dormir. Au lieu de prendre des pilules. Mais pour que l'homme apprenne, ça c'est un beau livre. Y en a-tu qui regarde ça, Architecture Digest? Très beau. Pour que l'homme apprenne à se servir de la vibration de son esprit, il faut qu'il réalise deux choses. Premièrement, que dans l'esprit, l'activité de l'esprit, l'esprit c'est totalement créatif, l'esprit, il n'y a pas de logique dans l'esprit. Fait que si vous avez moindrement de logique dans votre comportement, si vous êtes moindrement logique, ça va être plus difficile pour vous autres de vous mettre sur la vibration de l'esprit que si vous n'avez pas tendance naturelle à être logique. Puis il y a du monde, quand on est inconscient et qu'on n'est pas logique, ça nous crée des tensions. Puis quand on est inconscient et qu'on est logique, on se pense bien smart. Puis c'est tout le contraire. Un jour, l'homme doit en arriver à plus être logique, pas en tout. Puis s'il est logique, il va apprendre un jour à plus l'être logique. Puis il y a des gens qui sont inconscients puis qui sont pas logiques. Quand t'es inconscient, comprends-tu, puis t'as toujours des tendances de ton esprit que tu réalises pas, d'aller chercher ta machine pour couper le gazon à 3h du matin, puis ton gars, il dit, « Chris, qu'est-ce que tu fais là, couper ton gazon à 3h du matin? T'es-tu capoté? » Là, l'ego, il chambranle. Si l'esprit est bien fort dans l'ego, il va continuer pareil. Mais comme il pense l'ego, puis qu'il se fait bombarder par l'astral, automatiquement, l'ego, il sera jamais sûr, mais l'esprit est tellement fort. Puis moi, j'étais comme ça quand j'étais petit gars. Moi, quand j'étais petit gars, je faisais des affaires qui étaient totalement illogiques, mais mon esprit était tellement fort que mon ego n'était pas capable de refuser ce que mon esprit voulait. Mais mon ego en souffrait de maudit chat. Vous autres, aujourd'hui, vous avez une chance de comprendre ça, puis de vous libérer de ça, parce que je vous l'explique. Si vous avez des tendances naturelles à être poussé par votre esprit, suivez donc le courant de votre esprit et mettez donc votre logique à part. C'est comme ça que votre esprit balance vos corps et que plus il rentre votre esprit dans votre mental, moins vous avez tendance à capoter. Mais si vous êtes trop logique, puis l'esprit, il pousse, puis vous êtes trop logique. Un jour, votre esprit va vous faire quelque chose. Votre belle-mère, elle va dire, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Paul? Puis toi, tu vas commencer à te demander des questions. Puis tu vas avoir le psychiatre. Au lieu de bénéficier de la vibration de l'esprit qui veut ajuster ton corps mental et ton corps émotionnel pour te rendre de plus en plus translucide à sa pénétration, pour que tu en arrives un jour à être capable de le subir, sa pénétration, et pour que tu puisses vivre au lieu de vivre 99,9% de mental puis 0,9% d'esprit, mais de vivre de 99,9% d'esprit puis 0,9% de mental pour compter tes chiffres. Sur le plan matériel, la force qui est la plus destructive, qui est la plus anti-homme, la force qui enlève le plus à l'homme le pouvoir de son esprit, c'est la force de l'opinion sociale. Tout le monde fait, tout le monde agit d'une certaine façon. Tu vas pas tondre ton gazon à 3h du matin. Voyons, Jean-Paul, t'es pas raisonnable. Qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins? Je veux pas dire qu'il faut que Jean-Paul fasse ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est le principe que je veux dire. Puis je veux montrer la façon où la belle-mère, elle agit sur Jean-Paul, puis Jean-Paul, il abdique. Il abdique à quoi? Il abdique à son esprit. Puis quand vous comprendrez ça, vous commencerez à ne plus souffrir de l'influence astrale sur votre mental. Vous commencerez à réparer la défectuosité du mental humain, et vous commencerez à être intelligent, et vous commencerez à être de plus en plus dans votre esprit, et vous commencerez à vivre des vies sur le plan matériel qui sont de plus en plus relaxes dans le mental, de sorte que vous penserez moins et vous agirez plus, puis vous serez plus en santé mentale et automatiquement plus en santé de toutes les autres sortes. C'est tellement fort le comportement humain vis-à-vis les autres hommes, autrement dit, les égaux, le mental inférieur de l'homme, est tellement affecté par ce que les autres pensent, que c'est pour ça que, pour que l'esprit descende sur le plan matériel, dans un homme tel que moi-même, ils sont obligés d'être fusionnés. Il faut que l'homme soit fusionné parce que l'ego ne permettra pas l'activité de l'esprit à une si vaste échelle. Mais quand il y a une fusion entre l'homme et les forces, à ce moment-là, l'ego est obligé de subir ce que l'esprit fait. Le mental humain est obligé de subir ce que l'esprit fait, et automatiquement, il y a changement vibratoire dans l'homme. Alors, c'est pour ça que vous avez avantage à comprendre ce que moi, je peux vous convier par le fait que moi-même, je suis fusionné et que je ne puisse pas, au niveau de mon ego, faire entrave à mon esprit pour que vous autres puissiez comprendre le mécanisme de votre esprit éventuellement sur votre ego. Sans ça, on n'avancera pas. L'évolution, ça ne sera pas possible. Il n'y a pas un ego qui va aller, il n'y a pas un ego normal qui va aller tondre son gazon à 3 heures du matin sous les yeux de la belle-mère et des voisins. Le phénomène du bombardement des pensées subjectives sur le mental humain, c'est un phénomène qui se contrôle. C'est un phénomène qui se contrôle parfaitement. C'est un phénomène qui s'arrête parfaitement. Mais il faut que l'homme puisse se mettre sous la vibration de son esprit. Et ce que votre esprit vous fera faire pour balancer cette condition, c'est ce qu'il vous fera faire. Chaque personne à son esprit, chaque personne fera ce qu'elle aura besoin de faire. Pour c'est l'esprit qui va vous pousser à ça. Mais il faut être très, très attentif à l'esprit. Et pour être attentif à notre esprit, il ne faut pas être distrait par la valeur de l'action qu'il veut nous faire commettre. Parce qu'automatiquement, l'ego va rentrer dans le jeu, puis automatiquement, l'ego va s'opposer à l'activité de l'esprit, et automatiquement, l'ego est encore et demeure prisonnier des forces astrales. Parce que quand on réalise que la totalité de la conscience humaine est sous le regard et l'influence d'intelligence dans des plans parallèles, on s'aperçoit que nous autres, les hommes, on n'a pas grand-chose à dire dans vie. On n'a pas grand-chose à penser dans vie. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme un jour à en arriver à comprendre qu'il n'y a rien à penser, qu'on n'a pas besoin de penser, mais qu'on a besoin de l'énergie de notre esprit pour agir dans le matériel et parler de l'avenir qui fait partie du savoir et de l'esprit en voie de descendre dans la matière et en voie d'imprimer dans le cerveau de l'homme sa lumière pour que l'homme un jour puisse changer de plan, pour que l'homme un jour puisse être sur un plan d'évolution supérieure. Mais l'ego, le mental humain, le mental inférieur ne peut pas faire objection trop longtemps à l'esprit. Et l'esprit, c'est une très grande force. L'esprit, c'est l'homme. Mais l'esprit chez l'homme est infirmé par le fait que l'homme n'est pas disposé à vivre sous le courant, sous l'impression de son esprit, parce que l'homme a tendance à rationaliser cette impression, et en la rationalisant, il a tendance à la douter, et en la doutant, à l'arrêter dans sa manifestation. De sorte que vous allez vous dire, « Ben, je peux pas vous faire ça, c'est sans dessin, ça doit être mon imagination. » Ça, c'est la deuxième étape que je vais aller. Écoutez-la bien, celle-là, parce qu'elle est bien importante, celle-là. Vous comprendrez un jour, que c'est impossible aux forces intelligentes dans l'astral de faire bouger le moindre de vos doigts. Autrement dit, les forces intelligentes dans l'astral ne peuvent faire bouger votre doigt. Pour que votre doigt bouge, il faut que votre doigt soit activé par votre esprit. Quand tu comprends que tu ne peux pas faire aucun mouvement physique sans que ce soit le concours direct de ton esprit et que les forces dans l'astral ne peuvent rien faire, le seul plan où les forces dans l'astral agissent sur l'homme, c'est dans son mental, au niveau de ses pensées. Et que l'homme n'a pas besoin de penser pour agir. Tu ne penses pas quand tu vas manger, tu ne penses pas quand tu vas aux toilettes, c'est ton esprit qui te pousse à aller aux toilettes. Alors, quand l'homme comprendra ceci parfaitement, l'homme comprendra un des grands principes occultes de mon instruction que j'ai donnée dans les séminaires, quand j'ai dit « Tout ce que tu fais, c'est correct. » Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut dire que c'est correct dans ce sens que tu es poussé à le faire. Là où c'est imparfait, c'est parce qu'il y a suffisamment d'astralité en toi pour que cette astralité ne convienne pas au parfait mouvement de ton esprit, de sorte que ton action n'est pas parfaite, parce que toi-même, dans ton mental, tu n'es pas parfait. Quand tu seras parfait dans ton mental, ton mouvement physique sera parfait, il y aura coordination totale entre ton esprit et tes matières, tes corps subtils, et l'influence astrale au niveau des pensées et au niveau de tous les mécanismes qu'ils influent sur nous ne sera plus présent dans votre activité humaine. Alors, c'est très important pour l'homme de réaliser que l'homme ne peut pas manifester un mouvement physique, faire une action physique quelconque, sans que son esprit ne soit pas derrière. Mais l'homme peut faire des mouvements qui ne sont pas parfaits parce que son esprit étant derrière, son esprit, tout de même, n'a pas le pouvoir d'exacter du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique, toute la réponse naturelle de ces principes-là, parce que l'homme est influencé dans son émotion et dans ses pensées par d'autres forces qui sont anti-homme et anti-esprit. De là vos erreurs. De là les choses que vous faites dans la vie qui ne tiennent pas de bout. Mais si l'homme s'habitue, d'abord, il y a une chose. L'esprit, quand ça agit dans l'homme, ça agit très, très lentement. Ou ça agit bien, bien vite. L'esprit, quand il agit dans l'homme, il agit toujours selon les conditions matérielles de l'homme. Si l'homme est en danger, l'esprit agit très vite, l'homme réagit très vite. Si l'homme est relax, il travaille, il aime son boulot, l'esprit travaille lentement. Ou il y a un différentiel créé. Dans ce sens que là où l'action devrait être bien, bien vite et elle est retardée, c'est à cause des influences astrales. Et là où l'action devrait être très lente et elle est accélérée, c'est à cause des influences astrales. Ce que j'appelle, moi, de l'enthousiasme ou de la crainte. Un gars qui fait de l'automobile, les courseurs d'automobile, un gars qui fait de la course automobile, s'il est poussé par son esprit, ils le sont tous, et qu'il n'est pas influencé par l'astral, il ne peut pas gagner, il peut pas ne pas gagner en course. Mais s'il est poussé par son esprit et qu'il est influencé par l'astral, là, ils vont y mettre de la crainte. C'est comme ça que l'homme perd ses réflexes. C'est des accidents. Et c'est comme ça dans toutes les activités humaines, dans tous les sports humains, dans toutes les... Pourquoi est-ce qu'on parle du zen puis des arts martiaux puis les types qui font des choses qui sont inouïes au commun des mortels? Parce qu'il y a un amoindrissement de l'influence astrale sur leur esprit. Eux autres, ils appellent ça de la concentration. De la concentration, c'est où ce que l'esprit est capable d'agir sans qu'il y ait d'influence extérieure. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais l'homme, lui, est capable d'être de même tout le temps. L'homme devrait être capable d'être dans son esprit concentré tout le temps. Puis si son esprit veut que ça aille bien vite, puis si son esprit veut qu'il fasse telle chose à travers lui, l'homme est disponible. Si son esprit veut que l'homme soit bien calme, travaille bien calme pour conserver sa santé, ainsi de suite, l'homme est bien calme. Mais aussitôt que l'homme est bien calme, là, il marche bien lentement sur la rue, là, il marche bien. Même il boite, il s'aperçoit qu'il boite. Là, il dit que non, Chris, je commence à vieillir. Là, il va voir le médecin, puis il prend des B12, puis il prend des B17, puis il finit comme un B47. Il flaire. On fait constamment interférence à notre esprit, et c'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on est malade, c'est pour ça que nos corps, éventuellement, perdent de leur vitalité. Parce qu'on ne suit pas. L'esprit, il veut te faire aller bien lentement, là. Mais Chris, parce que tu as bien travaillé hier, il te fait aller... Moi, des fois, je monte les marches chez nous, je me tire après l'épaule. La grande est en bas, elle regarde, elle dit, « Ouais, hein, t'es bien fatigué. » J'ai dit, « Je suis bien fatigué. » Je me tire après les câbles sur le mur, puis je monte. Parce que mon esprit me dit de me reposer, Chris. Je m'occupe pas, moi, de ce que le monde pense. Pourquoi est-ce qu'il monte pas comme du monde qui prend des bédos? Fait que l'esprit veut que je m'accroche après le câble pour monter dans mes marches. Puis je m'accroche. Puis après ça, 5 minutes plus tard, l'esprit veut que j'aille sur ma maison pour planter des clous. Ben, je monte puis je plante des clous. Fait que je suis tout le temps en santé, puis c'est l'esprit qui me fournit l'énergie. Nous autres, avec notre ego, avec notre conscience subjective, on fait constamment interférence avec l'esprit parce que nous autres, on veut toujours être en forme. On est des petits soldats, là. Tu sais, on jogue le matin, là, puis on jogue, puis on jogue, puis rendu à 45 ans, on pète. Tu jogues pas quand tu veux, tu jogues quand tu dois jogger. Mais non, tout le monde jogue. Parce que c'est à la mode. Fait que t'arrives au bureau, tu jogues pas, mais t'es un poisson. Parce que tout le monde dans le bureau Hydro-Québec, ça jogue. Fait qu'on fait constamment interférence en état d'esprit, puis on en paye en maudit le prix dans nos santé. C'est bien subtil l'esprit, puis le point que je vais établir à soir, c'est que l'esprit, ce n'est pas logique. C'est pas logique de l'esprit. De l'esprit, c'est de l'esprit. C'est une force créative, c'est pas logique l'esprit. De temps en temps, là, les femmes commencent à fonctionner sous l'esprit. Là. C'est-tu quand est-ce qu'ils fonctionnent sous l'esprit? Quand ils sont en famille. Là. Après 3 mois, là, Jean-Paul, tu m'apporterais-tu des fraises avec des raisins et un pot de vin? Jean-Paul dit, bon, ma femme est en famille. C'est le seul temps que les femmes suivent leur esprit. Comme c'est tellement fort, mais ça devient universel. On sait qu'une femme après 3 mois, c'est des raisins, puis des fraises, puis des crèmes glacées à 3h du matin. Fait qu'on l'accepte. Fait que tu vas pas dire qu'une femme qui est enceinte, qui veut des fraises à 3h du matin, qui est capotée. Tu sais qu'elle a un petit qui s'en vient, même si elle ne sait pas, elle, tu le sais. Mais on n'est pas capable de vivre, nous autres, notre vie à tous les jours, dans le courant de notre esprit. Puis, ceux qui vont vers la conscience universelle, ceux qui vont vers l'actualisation de l'esprit dans la matière de l'homme, ils vont être obligés de l'apprendre, parce que c'est le même que ça marche. Puis plus vous en savez, plus vous conscientisez, plus vous conscientisez, plus vous comprenez, plus l'esprit rentre, plus l'ego doit se tasser, puis plus votre comportement humain doit devenir réel, c'est-à-dire créatif, c'est-à-dire sujet à l'impulsion constante de l'esprit. Puis après un certain temps, mais quand l'esprit a tout fait son travail, qui a tassé votre ego un peu, à ce moment-là, vous agissez comme du monde. Moi, j'agis comme du monde aujourd'hui. J'ai pas toujours agi comme du monde de même. L'esprit m'a forcé pendant des années de temps, moi, à faire des affaires qu'aujourd'hui, j'aurais honte de faire dans la rue. Mais dans ce temps-là, j'étais tellement gelé. Tandis qu'aujourd'hui, ben, je relaxe. Ah, c'est très fort, l'esprit. Puis c'est justement ça. C'est tellement fort, l'esprit, que quand vous serez dans votre esprit, vous serez vous autres, même dans votre propre force. C'est à ce temps-là, ben, vous subissez d'une façon ou d'une autre les conditions de l'astral, les influences astrales, par tous les mécanismes extraordinaires qui constituent l'inconscience de l'homme. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde contre le rationalisme. Il viendra un jour où vous ne pourrez plus rationaliser. Tu ne rationalises pas l'esprit. Tu ne rationalises pas l'esprit. Puis tant que vous allez rationaliser, vous allez être obligé de vivre le combat entre votre esprit et l'astral. Si vous êtes marqué pour une évolution supérieure, c'est évident que vous allez subir le combat entre votre esprit et l'astral. Puis c'est l'esprit qui gagne. Si vous n'êtes pas marqué pour une évolution supérieure, éventuellement, ça va stabiliser, ça va arrêter, puis vous allez continuer votre petite vie. Mais si vous êtes marqué pour une évolution supérieure, éventuellement, l'esprit doit conquérir tout en vous ce qui est astral, parce que le mental supérieur de l'homme doit être développé, et le mental supérieur de l'homme est développé au fur et à mesure que l'esprit s'engage dans l'homme et proportionnellement déplace ce qui est astral dans l'homme.